Un triste vagabond qui avait le cœur lourd. Du fond de sa prison, regrettait son amour. Sur les murs gris et froids, il avait dessiné deux cœurs comme il se doit, dont un était brisé. Un jour là de souffrir, un jour qu'il faisait beau, il décida d'écrire au seigneur du château. Écoute-moi mon maître, rends-moi la liberté, et je te promets d'être un sujet dévoué. Oublie les louis d'or que je t'avais volés. Je sais que j'ai eu tort, mais depuis j'ai payé. Touché par ce langage, le seigneur du château, accompagné d'un page, descendit tout cachot. Le prisonnier surpris, croyant encore rêver, arraché à sa nuit, s'entendit déclarer. Ému par ta jeunesse, mon cœur en a pleuré. Va-t'en chez ta princesse, tu seras libéré. Le lendemain matin, un joyeux vagabond, en suivant son chemin, chantait une chanson. Mon cœur est dans la joie, je vais revoir ma mie. Je peux crier déjà, demain, je...